direction du club de golf de Chibougamau-Chapaï, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Merci Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. On va faire la rétrospective de l'année de Pierre-Alexandre Bédard et en même temps, parce que pourquoi je parle de Pierre-Alexandre, c'est parce que dans quoi dans trois jours il va partir pour la Floride. Salut Pierre-Alexandre. Bonjour Danny. Pierre-Alexandre, je veux faire ta rétrospective de l'année avant tout. Donc, si on parlait un peu de ta champion PGA du Québec, c'est extraordinaire. Tu t'attendais pas à ça vraiment? Écoute, c'est un très, très, très bel honneur. C'est sûr qu'en début de saison, j'avais pas pensé que j'allais recevoir le prix du golfeur de l'année au Québec. Okay. Cependant, là, en 2015, j'avais reçu le joueur de l'année universitaire. En 2016, le joueur de l'année amateur au Québec. Donc là, écoute, avec le prix professionnel au Québec, c'est trois dernières belles années de golf pour moi. Que je suis vraiment très fier, puis je vais continuer là-dessus là, dans les prochaines années. Puis si je me rappelle bien, parce que j'en fais tellement d'entrevues, surtout de cet incite, là, je me rappelle bien, Pierre-Alexandre, c'était un terrain que tu connaissais bien, pour celui-là que tu as gagné. Hein? Exactement. J'avais fait plusieurs camps d'entraînement dans mon temps junior, en fait, là, avec un monsieur nommé Richard Labonté, qui était professionnel dans le temps là-bas. Puis, en fait, c'est ça. Je m'étais entraîné au Château-Bromont 3 ans, puis le tournoi était au Château-Bromont. Ça a été vraiment un très, très, très beau tournoi pour moi, dont ma meilleure ronde à vie d'un 63. Puis, j'ai fait un aigle sur le trou numéro 6. Un aigle sur le trou numéro 9, puis un albatros sur le trou numéro 6. Donc, c'était quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. C'était vraiment des beaux moments. Dernier tournoi de l'année, ça fait que ça a fini sur une note parfaite. OK. Si on parlait maintenant au niveau des bourses, c'est-tu quand même, sans rentrer dans les détails d'argent, ça reste personnel? Non, on peut le mettre parce que c'est public, les bourses que tu fais. C'est quoi? C'est à peu près 20 000 que tu as gagné cette année? Cet été, j'ai fait autour de entre 35 et 38 000, en fait. Ah, c'est bon, pareil. J'ai gagné deux tournois professionnels qui m'ont donné 6 000 $ les deux victoires. Plus une troisième position à la Coupe Canada qui était le plus gros tournoi de l'année, qui m'a donné 12 000 pour ma troisième position. Donc, c'est sûr que j'ai fait des belles bourses quand même cet été. 38 000, c'est sûr que tu as des dépenses. C'est un travailleur autonome aussi. J'en ai parlé avec Michel Lallemand souvent. Tu es un travailleur autonome et tu as plusieurs dépenses au travers de ça. Exactement. Mais un golfeur. C'est sûr que je ne fais pas d'argent avec ça. Oui. Mais un golfeur comme toi, là. Puis ça, je venais parler avec ton père aussi. Sans rêver PGA, parce qu'il y a tellement d'appelés peu d'élus, peut quand même gagner sa vie très honorablement. Il peut gagner à 35, 40, 45 000 net. Là. Facile, là. Hein? C'est clair. En fait, il y a plusieurs beaux circuits dans le monde, à part la PGA. Il y a plusieurs beaux circuits dans le web.com, des beaux circuits en Europe, les Asian Tours. Donc, il y a plusieurs beaux circuits qu'on peut gagner notre vie. Moi, c'est vraiment l'objectif principal. L'objectif principal est de gagner ma vie en tant que joueur professionnel pour gagner des tournois. Mais sinon, écoute, il y a plein de gens. On peut penser à Kevin Fortin-Simard. Dave Lévesque qui a fait un sait comment ça s'est terminé, mais qui, exact. Les gars font beaucoup d'argent, en fait, dans leurs clubs respectifs, sont connus, donnent des cours privés. Ouais. Puis, continuent à jouer quand même quelques tournois, faire encore de l'argent. Fait que c'est un beau. OK. C'est pas. Ça a été un beau cheminement pour moi. En Floride, tu pars dans à peu près 2-3 jours. On est quoi? On est à peu près le 2 janvier. Donc, tu pars dans 2 jours. C'est quoi tes objectifs? Écoute, comme premier objectif, je vais avoir la chance cette année. Je vais rester chez un joueur qui s'appelle David Moreland. Okay. Il a joué quelques tournois au Québec cet été en vue de se préparer pour le Champions Tour. C'est un golfeur qui a joué 102 tournois sur le PGA Tour. Oui, monsieur. Donc, il a fait 7 millions en carrière en gain total dans sa vie de golfeur. Donc, il connaît extrêmement le domaine, plusieurs bons contacts. Puis, je vais avoir la chance d'aller rester chez lui avec Sonny Michaud, un autre de mes colocataires à Québec qui est professionnel, qui ont joué ensemble depuis quelques années. Fait que ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment de quoi très, très, très bon pour moi. Je pense que je vais avoir beaucoup de questions à lui poser, puis ça va être une personne avec qui je vais pouvoir apprendre énormément. Plusieurs tournois sur les mini-tours, en fait. Puis pour finir, en avril, je vais m'inscrire pour les Q School pour le Mackenzie. En fait, les qualifications pour le circuit canadien. Il y a 4 ou 5 tournois. Mais moi, en fait, j'aimerais jouer celui en Floride qui est en fin avril. Ou dépendamment de ta bourse puis de tes résultats, puis Alexandre, c'est pas ça que je regarde. Puis t'es chanceux, tu vas rester sur un golfeur qui a fait 7 millions. C'est tout l'apprentissage que ce golfeur-là peut t'apporter. Là. C'est ça qui est beau, là. Exactement. Exactement. J'ai eu la chance de le connaître quand même assez bien cet été. OK. Mais cet hiver-là, ça devrait être vraiment bien. Il est supposé s'entraîner avec nous au même terrain de golf. Donc, on va jouer ensemble quasiment tous les jours. Il a gagné 2 fois sur le web.com. C'est un monsieur connu de l'environnement du golf. Donc, ça va être... En fait, je peux pas demander mieux personnellement. Puis, c'est ça. Si jamais les close calls du Mackenzie, ça marche pas en avril, ben je vais me présenter dans l'Ouest canadien en mai pour aller faire les qualifications des premiers tournois de la saison là, pour être capable d'embarquer sur le circuit durant l'année. OK. Donc, c'est pas mal le fun de ce qui se passe là. Comment tu vas faire le tournoi? Est-ce qu'il a cédulé ton horaire? Pas vraiment. En fait, j'étais supposé de partir en Floride en novembre. OK. Début novembre. J'ai décidé de rester au Québec. T'as reposé quoi, préparation mentale? Travail, exact. Je me reposais un petit peu, mais j'ai travaillé quand même beaucoup à l'intérieur avec mon entraîneur pour faire quelques changements techniques dans mon swing. Puis, je pense que ça va être des changements qui vont être bons. Donc, dans les prochains jours, là, à mon arrivée en Floride, je veux pratiquer ça surtout, mettre l'emphase un bon 2 à 3 semaines de pratique intense. Okay. Puis, pour ensuite, après, commencer quelques tournois, commencer léger peut-être. Puis, pour mettre vraiment l'emphase plus en mars, je vais faire beaucoup, beaucoup de tournois pour ma préparation en avril pour ma qualification majeure. Il y a quelques Monday qualifiers qu'on appelle d'autres qualifications là, pour jouer un tournoi du web.com, par exemple, ou sur le Latino America qui est dans l'Amérique du Sud. Fait qu'il va y avoir plein de beaux potentiels pour moi là, pour jouer des tournois cet hiver. OK. Les terrains en Floride, comparés aux terrains au Québec l'été, c'est-tu comparable? Sont-tu différents? Sont-tu plus durs? En fait, il y a beaucoup de terrains qui sont plus durs au Québec qu'en Floride et vice-versa. Pour ça, c'est... Ce qui diffère beaucoup de le Québec, de la Floride, c'est le type de gazon, en fait. Okay. Le type de gazon est beaucoup plus dur à jouer. Puis, autour des greens, quand on veut chipper, c'est une surface qui est beaucoup plus dure en Floride qu'au Québec. Donc, il y a plus de grains. La balle sur les greens bouge beaucoup plus fort avec le grain. Donc, c'est toutes des petites choses, des petits détails que des golfeurs professionnels comme nous, on doit de s'acharner pour être capable de jouer le mieux possible. OK. Pierre-Alexandre, je vais te souhaiter une bonne année, pas mal de fun de te suivre. On va se tenir au courant de ta saison en Floride aussi. C'est aussi important que la saison d'été. L'été, on se parle souvent, mais l'hiver, on va se parler aussi. Bravo, puis la meilleure des chances pour 2018. Et de la santé aussi, c'est important ça. Excellent. Un gros merci, Danny. Ouais, donc, voilà, Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau qui part d'ici 2 jours en Floride.